est aveugle et sa canne est rose. Mais l'amour me rend morose. Quand de solitude, quand tu te dénudes, voir un peu de haine quand tu me dis que tu m'aimes. Je sais, le bonheur n'existe pas. Je sais, le bonheur n'est pas pour moi. Et tu ris, et moi je souris, même si je t'en veux, chérie. Et je pleure, et je ne veux plus fleurs. T'es avec tout ce bonheur. Je sais, le bonheur n'existe pas. Je sais, le bonheur n'est pas pour moi. Si tu veux, nous partirons sur une autre planète où nous serons toujours seul, et je pourrais découvrir toutes les couleurs de ta personnalité. Quand la pluie tombera, que le ciel se couchera et que le brouillard se dispersera, les vives couleurs m'éclaireront de toute leur beauté. Je sais, le bonheur n'existe pas. Je sais.